C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centrare. www.centrare.qc.ca, le Québec Pop, www.québecpop.com ou encore tout simplement la page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Vous allez là et vous allez trouver beaucoup d'informations sur les artistes franco-canadiens. Enscape, c'est l'album qu'on parle aujourd'hui d'Alexandra Streliski. Le nom d'Alexandra Streliski vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, la pianiste-compositrice montréalaise qui a charmé Jean-Marc Vallée et qui a sorti l'excellent disque Pianoscope il y a déjà 8 ans, nous revient avec un deuxième opus tout aussi puissant, sinon plus. Enscape nous offre une sélection de pièces instrumentales magnifiques interprétées en solo au piano. De la trame de départ plus tôt, qu'on va entendre dans quelques instants, jusqu'à la dernière note de le nouveau départ, il semble avoir quelques images fortes qui se dessinent. Ces images sont celles de la réflexion, de l'évasion, du recueillement. Autre phénomène intéressant avec ce disque, c'est que plusieurs phrases musicales sont répétitives, comme le balancier d'une horloge. Cette situation réussit à nous charmer, nous captiver, nous bercer, ce qui entraîne une séduction irrésistible. Tout comme Pianoscope, sinon plus, ce produit réussit à arrêter le temps, et ce, dès les premières notes de « Pluto » qu'on va entendre dans quelques instants. Allez faire un tour sur www.alexandrastreliski.com. Streliski, c'est Streliski. Allez découvrir son univers, ça vaut la peine. On l'écoute avec la première plage de l'album, l'album Enscape. Voici Pluto. Pluto fait partie de ces quelques pièces maîtresses qui dressent bien la toile de fond de l'album. Interlude qu'on va entendre dans quelques instants semble une pièce un peu plus complexe avec une trame de clavier qui vient ajouter une certaine profondeur à un extrait déjà très bien fignolé. Une belle mélancolie s'installe dans le décor sonore de cette pièce. La force de la pièce Burnout Fugue réside dans l'intensité de la prestation. Ce magnifique crescendo nous fait sentir une certaine pression et le besoin de l'évasion et le goût de la liberté. L'album se conclut avec une suite à la pièce Le Départ qui terminait l'album Pianoscope. Le nouveau départ nous ramène à ce sentiment d'évasion et de liberté qui semble évident en écoutant l'exécution de cet extrait final de l'album. Donc, allez faire un tour sur alexandrastreliski.com. Voici tout simplement la pièce Interlude. Alexandra Streliski. Comme je dis souvent, du bonbon pour les oreilles. Après 8 ans d'absence sur disque, la pianiste-compositrice montréalaise Alexandra Streliski vient nous charmer à nouveau. Headscape est ce genre d'album que l'on entend très peu. Ce genre d'album qui, par sa simplicité et sa générosité, réussit à captiver toute la profondeur de l'âme de l'auditeur. Seul au piano, avec une ouverture profonde sur ses émotions, Alexandra Streliski nous livre encore une fois un chef-d'œuvre hors du commun. La jeune compositrice réussit à nous offrir un rendez-vous magique avec elle et son instrument. Laissez-vous séduire en visitant son site internet www.alexandrastrelitsky.com. On va écouter une dernière pièce, si vous voulez bien. C'est la dernière pièce qui termine l'album. Et un peu comme, je le disais, un peu comme l'album Pianoscope, avec le départ, eh bien, le nouveau départ nous ramène à ce sentiment d'évasion et de liberté. Laissez-vous emporter par cette magnifique pièce. Voici le nouveau départ, Alexandra Strelitsky. Comme le loup, je prends de l'ampleur. Au revoir. terrain mes peurs. Loin de mes proches, la nature me console. Terre, mer et air me sert de boussole. Voici les périls de quoi? D'un succès subtil, c'est ça. Oh, oh, oh. Quelques années, il y a Rond-Point 2 qui comprenait deux groupes et un artiste solo. L'artiste solo, Ivan, auteur-compositeur-interprète, qui vient de m'envoyer avec grand plaisir la pièce « Lumière » qu'on vient d'entendre, pièce assez intéressante, très latino, soul un peu, tout doux, hein, c'est vraiment bien fait. Donc, merci Ivan. Vous pouvez voir le clip de cette chanson-là sur ma page Facebook de Canrock. Allez faire un tour. C-A-N, Trédition, R-O-C-K. Comme je vous disais, Rond-Point 2, il y avait Ivan et deux groupes. On va entendre également Moonfruit qui était là. Moonfruit, ça va très bien pour eux. Beaucoup de tournées. Ils viennent de signer avec une compagnie de disques, si je ne me trompe pas. Ils préparent le prochain album. Donc, on va entendre « Sainte quelque part », qui est la pièce-titre de leur dernier album. Par la suite, on va entendre Georgian Bay, qui, eux, au printemps, ont sorti « Courage, volume 1, Soleil », des pièces folk rythmées, vivantes. Là, ils viennent de sortir, ces jours-ci, « Courage, volume 2, Moon », plus expérimental, plus planant un peu, des pièces un peu plus longues, mais toujours aussi intéressantes. On va écouter la pièce « Océan » dans quelques instants. Et on va terminer ce bloc-là avec tout simplement Renery, qui ces jours-ci sort son album. On va entendre « Le monde est con », excellente chanson. Elle qui a fait partie un bout de temps de Rond-Point 4, mais elle a dû quitter pour aller enregistrer son album. Thank you. voudra grandir. Il faudra bien que tout le monde a ses petites guerres. J'suis pas à part, sauf dans mon cas. C'est moi, mon adversaire. J'ai des grands yeux, mais j'vois pas souvent clair. J'pense encore que le monde est beau. J'veux voir la vie comme un cadeau. J'ai toujours voulu être heureuse, heureuse de n'importe quelle façon. J'avoue que j'suis pas mal niaiseuse en ce qui concerne mes choix de garçon. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'as une vie bohème pis que tu caches ta peine pour plaire? Mais qu'est-ce que tu veux quand tout ce que t'as connu est viré à l'envers? M'en peint de l'image bien claire, y'a tellement de merde sur terre. Quand tout d'un coup j'me sens pas bien, mais que non ça j'comprends plus rien. Tout ce que tu veux, je compte ce que je peux. T'es-tu meilleur que moi? Avec ton gros troc pis tes lunettes, je dirai pas ce que je vois. Mais là je parle pour moi. Me semble qu'il y a tellement plus que ça. Dans ma petite tête, le monde m'embête. J'suis-tu la seule comme ça? Oui, je veux rire en me réveillant sans même entendre quelque chose de drôle. Rester belle au